J'viens de présenter, ne représenter aucun département. Nomade s'implantant, en plantant sa graine dans les tympans. Appartenant au battant, au bagou, persistant, insistant, patinant. Débarquement d'une espèce épicée qui pisserait dans l'espace. Il passe d'ici, poussait, baptisé à la oui des débuts hypnotisants. Vouloir élucider ce besoin d'ébriété te fera perdre ta lucidité. Mec entêté à la parole acidulée, titan excitant par tous les temps. Choisis son axe, son sona, sa wax, sa sono, sa taxe, son sonar, sa syntaxe. Pas d'intox dans mon élocution, pas d'intoxication dans ma mastication. J'veux que tout le monde puisse danser dans mes parties. Voilà le début de ma répartie. Fréquente peu les mecs flétris par le profit, les traites, les fanatiques de la patrie. Respecte les retraités, j'suis pas ceux qui les insultent ou les traites, les drogués et les pédérastes. J'te garantis que les pédérastes, j'apprends dans la différence. Respecte toute forme de déviance tant qu'elle ne nuise qu'à ta personne et que ton père dans le silence. Y'a que les balances qu'on évite dans nos références. Une envie de vivre hors France, se mettre dans des états hors service de manière féroce. Crier à tort et à travers, casser tes préjugés, tes tours, tes regards de travers. T'as tort de pratiquer l'auto-torture comme les autres ordures, aux esprits lents comme des tortues. Habitués aux coups tordus, là où les faux de parcours tu. On nous prie sur le tas en restant ardu, sans consulter leurs quotas et leurs statuts. Là où restitue du bon son qui t'empêche de rester figé comme une statue. C'est mortel, un sommort pour foutre le bordel. Quelques rimes écrites au scalpel, le cerveau dissèque les mots et cartels. Le beat de pique ma langue martel, sans cartel. On casse les flots, les habitue aux attels, sans cocktail. On se déboîte la gueule, tout le contraire d'un jeu matel. Du son à écouter en fait ou au modèle. Sur du gazon ou de la tôle, ondulé. On s'en fout d'être adulé, nous c'est pastille acidulé au saut du lit. Pastis, vodka ou rhum au lait, premier délit avec un gros trois feuilles pour décoller. Je fais rôtir, mes ratures et me retire. J'm'agite sur feuille dans ce monde qui me fait cogiter. J'éteins la télé, surtout quand j'aperçois le JT. J'm'éjecte, me jette à l'eau dans mon gîte, jugeote, brasse de l'air. Déplace les particules de rien pour faire du vent. C'est particulier, j'y fonce les pieds devant, sans prière, la tête la première. Le son, c'est l'essence. Et l'écriture, la flamme qui fait que je me regarde en face. J'prends la succession de ceux qui ne recherchent ni le succès, ni la cessation. Des activistes au gros caisson, ou une ordonnance pour cesser le son. Encore moins une autre carte de sécession. Plutôt de l'amour et de la passion, de la rigolade et du poisson grillé, papané. Jamais tomber en panne de kiff qui font planer des câlins, des idées, des calés, des avions pour décoller. Il faut s'y accommoder, mon stylo est télécommandé par ma pensée sans commodité. Pulsar constitué, style opposé au quota proposé. L'apologie d'une attitude controversée. Et si tu es contre mes versets, change de versant. Qu'à la j'actionne mon flot effervescent. Annule ton air fort et menaçant pour récolter le fruit de ma moisson. Moi c'est kill tranc, que je te kill sans trembler. Car un mois sans son, c'est pire que deux jours sans sous. Je fous tout en dessus, dessous avant mon décès. Pour être jamais déçu, je t'assure, il faut que t'essaies. C'est mortel, un sommort pour foutre le bordel. Quelques rimes écrites au scalpel, le cerveau dissèque les mots et cartels. Le beat de pique ma langue martel, sans cartel. On casse les flots, les habitue aux attels, sans cocktail. On se déboîte la gueule, tout le contraire d'un jeu matel. Du son à écouter en fait ou au modèle. Sur du gazon ou de la tôle, ondulé. On s'en fout d'être adulé, nous c'est pastille acidulé au saut du lit. Pastis, vodka ou rhum au lait, premier délit avec un gros trois feuilles pour décoller. Mes absences ont un sens pendant que je te laisse cracher tes abcès qui s'évaporent comme l'encens. Mais au fond, tu sais bien que tout le monde en a assez. Ta vision de la jeunesse qui ne pense qu'à la fesse, l'alias en oubliant sa conscience se noie vite dans sa graisse. Y'a plus de grâce et les pseudo-boss lac et bloc sur grâce ou Hercule. Pendant qu'en t'écho, c'est les psylos qui cassent l'ennui. Mais faut avouer que le business de toc nous nuit la nuit. Et c'est les mêmes qui amassent la merde comme si dans la misère y'avait des barrières, des classes, des sous-couches qui se cachent pendant que les autres se lâchent. Sur du zoukouf sans cache, je clash. Sur du hip-hop, pousse des vrocs, sur des breakbeats hardcore. Moi, mes mots crash, mes bronches me cassent la gueule, mais reste accroché à la branche. Cherche une brèche, mais jamais ne débranche. Sur monitor, je deviens ton moniteur, ton mentor. Manie à tort ou à raison, les mots dans toute leur dérision. Je fais la razzia, subis l'érosion de toutes ces hérésies, de tous ces mecs jamais rassasiés, de toutes ces frénésies.